souffrir, en mourir. C'est vrai, oui, j'ai eu tort, mais notre amour n'est pas mort. Puisque tu m'aimes, reste quand même, ne plus se dire les mots les pires, même si l'on nous jette un sort, notre amour restera le plus stronger than anything.